Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous retrouvons aujourd'hui notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec Science et Vie. Et comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Géo-ingénierie, comment retirer du CO2 de l'atmosphère ? L'enjeu principal de la COP21 qui se tient en ce moment au Bourget est d'obtenir un accord de l'ensemble des pays de la planète pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Il s'agit ainsi de limiter à 2 degrés Celsius d'ici 2100 l'augmentation de la température moyenne de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle. Les calculs des climatologues montrent que ce seuil de 2 degrés Celsius correspond à un rejet cumulé de 3200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Or, l'humanité en a déjà rejeté environ 2000 milliards de tonnes. Il ne reste donc que 1200 milliards de tonnes de crédit CO2, en quelque sorte. Au rythme annuel actuel, nous atteindrons les 3200 milliards de tonnes dans 30 ans, soit en 2045 et non en 2100. Même en réduisant drastiquement nos émissions à la suite de la COP21, il sera donc bien difficile de gagner 55 ans par ce seul moyen. Ce constat que fait Vincent Nouiriga dans l'enquête publiée dans Science et Vie de ce mois-ci conduit à envisager des solutions complémentaires. Tout en réduisant considérablement les émissions, il paraît inévitable de retirer une part du CO2 déjà présent dans l'atmosphère pour augmenter ainsi notre crédit CO2 d'ici la fin du siècle. Ce type de stratégie active sur le climat est baptisé géo-ingénierie. Bon nombre des solutions envisagées dans ce cadre relèvent du jeu à l'apprenti sorcier. Il a ainsi été envisagé de reproduire l'effet d'une éruption volcanique, comme celle du Pinatubo en 1991. Cela revient à injecter 17 millions de tonnes d'aérosols soufrés dans l'atmosphère, dans l'espoir d'obtenir une réduction de 0,4 degrés Celsius de la température de la Terre, pendant un an seulement, ou de déverser 17 milliards de tonnes de chaux vifs dans les océans afin d'augmenter leur capacité à absorber du CO2. Outre les difficultés de mise en œuvre, les effets induits par de telles solutions pourraient se révéler bien pires que le mal. Heureusement, il existe d'autres solutions pour retirer du CO2 de l'atmosphère. C'est le sujet principal de cette émission et pour explorer ces solutions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Pierre Barré, géochimiste spécialiste des sols, chercheur au CNRS affecté au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure, Thomas Gasser, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE, membre de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et Thomas Gasser est également détaché au Centre international de recherche en environnement et développement, le CIRED. David Salas-Imedia et Roland C. Firian sont chercheurs en climatologie à Météo France. Et nous sommes également avec Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine Science et Vie, notre partenaire pour cette émission qui publie dans son numéro de décembre une enquête de Vincent Nouiriga intitulée « Réduire les émissions ne suffira pas ». Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Hervé Poirier, bonjour. Bonjour. Donc vous publiez cette enquête sur la géo-ingénierie en pleine COP21. S'agit-il d'une sorte de provocation dans la mesure où ce sujet n'est pas vraiment très présent dans les négociations entre les pays et que tout l'accent est mis sur la réduction des émissions de CO2? En tout cas, c'est la surprise, entre la distance entre le discours officiel des politiques, mais aussi des associations environnementales, et le discours des scientifiques qui travaillent dans leur laboratoire sur la modélisation du climat à venir. Il y a un chiffre qui me paraît particulièrement frappant, c'est que dans le dernier rapport du GIEC sur les 116 trajectoires simulées pour permettre de rester sous la barre des 2 degrés, il y en a 101 qui doivent faire appel à de la géo-ingénierie, à savoir retirer du CO2 de l'atmosphère. Or, dans le discours public, force est de constater, et les scientifiques qui travaillent dessus le soulignent aussi, que ce message ne passe pas. Donc, évidemment, les moyens d'évoluer, on peut s'inquiéter sur les moyens d'évoluer à ce gigantesque chantier qui est plutôt pour la deuxième partie du XXIe siècle, mais dont les prémices doivent évidemment être étudiées. Et l'enquête de Vincent Nouiriga tente à montrer qu'on est en train de prendre beaucoup de retard sur la recherche fondamentale de ces moyens. Absolument, et on va les évoquer. Thomas Gasser, bonjour. Bonjour. Alors, parler d'action sur le climat en tentant de retirer le CO2 présent dans l'atmosphère, n'est-ce pas reconnaître d'une certaine façon qu'il est déjà trop tard pour se contenter des réductions d'émissions ? En quelque sorte, oui. Après, il faut garder en tête que déjà la COP n'est pas finie et donc on n'a pas idée à l'heure actuelle des résultats. Et que ce qu'on va appeler les pré-engagements des États, c'est-à-dire leur feuille de route qu'ils ont fournie en amont de la COP, on a tenté de faire quelques projections de ces pré-engagements pour savoir où, en termes de température, ils allaient nous mener. Mais faire ces projections est difficile, donc on ne peut pas tout à fait dire que... Enfin, ça donne quand même un résultat, une ordre de grandeur. Le problème, c'est que les pré-engagements, en fait, portent sur l'année 2030. Mm-hmm. Et que nous, on est en train de parler de température en 2100, voire au-delà. Donc il nous manque quand même au moins 70 ans d'informations où on est obligé, nous scientifiques, pour faire ces projections, de faire des hypothèses. Et en fonction des hypothèses, soit on arrive à des températures très élevées, soit on est très optimiste, on arrive à des températures beaucoup plus faibles qui pourraient respecter les 2 degrés. Donc tout n'est pas complètement perdu, mais effectivement, et je pense que le chiffre du dernier rapport du GIEC et des scénarios du dernier rapport du GIEC étaient intéressants, dans la plupart des scénarios envisagés, il y a besoin de capture. Voilà, donc il va falloir forcément développer des techniques pour y parvenir. David Salas-Imelia, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, la géo-ingénierie est-elle vraiment cette action nécessaire ou bien la porte ouverte aux apprentis sorciers ? Alors c'est sûr que le terme de géo-ingénierie peut faire peur, hein, parce que il y a pas mal de peurs sous-jacentes derrière ce terme. Il y a déjà... Le terme de géo, donc c'est une action globale, hein, où l'ingénierie, qui est quelque chose qui peut être confisqué éventuellement par diverses puissances. Enfin, on sent qu'il y a une action technologique sur le climat qui est forcément assez anxiogène. Bon, maintenant, la communauté scientifique étudie particulièrement du point de vue de la modélisation ce type de technique. Alors, je dirais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est éventuellement de se donner un plan B au cas où finalement on n'arriverait pas à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose à quoi on doit se préparer plutôt que de laisser finalement des communautés autres que la communauté scientifique faire des études dans un cadre hors de contrôle. On peut aussi imaginer aussi que en raison d'une urgence écologique, par exemple, à un moment, si certaines régions subissent des impacts du changement climatique qui sont absolument dramatiques, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il puisse être nécessaire d'agir éventuellement de manière rapide sur le climat. Donc, finalement, on ne pourra pas, peut-être pas forcément faire l'économie de ce genre de technique. Et je pense qu'il est vraiment important que la communauté scientifique puisse apporter des éléments validés sur ces techniques, de manière à ce qu'on puisse évaluer si c'est faisable, si c'est efficace, si c'est aussi acceptable d'un point de vue social, si on peut finalement mettre en avant ces pratiques pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés in fine. Voilà, donc il y a quand même deux grandes familles. Il y a la famille des techniques qui permettraient de réduire la part de CO2, la proportion de CO2 dans l'atmosphère, et puis les techniques qui visent à refroidir la Terre, c'est-à-dire à éviter que le rayonnement solaire ne pénètre l'atmosphère comme il le fait aujourd'hui. Et il semblerait que certaines de ces techniques aient déjà été envisagées sérieusement. Vous en parliez avant l'émission. Roland Seferian, il y a donc eu une expérience qui était assez avancée. Oui, qui a été planifiée par nos collègues anglo-saxons. Le projet devait s'appeler le projet SPICE, qui visait, lui, à éclaircir ou à augmenter la capacité réfléchissante des nuages en injectant des sels marins, donc puisés dans l'océan, et par ce biais-là, avoir un effet refroidissant sur la température de surface. Donc c'est une famille de techniques qui vise à atténuer l'énergétique ou l'entrée d'énergie au sein du système climatique. Voilà, là par l'intermédiaire des nuages. Par l'intermédiaire des nuages. Il y a l'autre technologie que j'ai évoquée dans l'introduction et qui est mentionnée par Science et Vie, qui est la dispersion, on va dire, d'aérosols en suspension dans l'atmosphère, qui serait une forme de barrière, de filtre. Thomas Gasser. Oui, alors l'idée est toujours la même, hein, c'est bien de réfléchir le rayonnement le rayonnement solaire entrant dans la planète pour diminuer le réchauffement de la planète et donc la refroidir. Donc c'est une technique qui a été effectivement évoquée, qui en fait, d'après les premières études, semblerait abordable financièrement. Donc qui consisterait à émettre au niveau de la stratosphère des aérosols on pense plutôt des aérosols sulfatés. Le principal problème étant que la durée de vie de ces aérosols dans la stratosphère est assez faible, de l'ordre de quelques années, et donc il faudrait maintenir la mise en place de ces aérosols, il faudrait recommencer tous les ans, le faire de manière continue. Voilà, donc une solution qui en plus peut provoquer des effets induits dont on a probablement pas vraiment d'idée aujourd'hui, Hervé Poirier. C'est un peu ça dont on parle quand on fait mention du jeu à l'apprenti sorcier. C'est pour ça que les deux géo-ingénierie doivent sans doute être assez dissociées, celles qui consistent et sur lesquelles... qui consiste à retirer le CO2 de l'atmosphère et celle qui consiste à refroidir. C'est vrai que nous avions fait il y a 10 ans un gros dossier sur les tentatives de refroidissement et nous avions été un peu un sentiment de vertige devant la difficulté, le chaos, la situation chaotique que l'on pouvait mettre sur un système Terre dont on maîtrisait finalement assez peu la dynamique. Et là, le mot apprenti sorcier nous a semblé il y a 10 ans assez pertinent pour décrire cette géo-ingénierie du refroidissement de la Terre, même si notre enquête là n'a pas porté sur ces sujets et même si le savoir a sûrement beaucoup progressé sur ce domaine. Thomas Gasser. Oui, si je peux dire deux mots, enfin deux impacts qu'on connaît à l'heure actuelle, qu'on est capable d'évaluer scientifiquement vis-à-vis des aérosols qu'on mettrait dans la stratosphère. Le premier, c'est que même si ça permettrait, au moins à l'échelle globale, d'éviter le réchauffement, donc de ramener à une température, une fois de plus à l'échelle de la planète, de revenir à une température, on va dire, supportable, on sait que ça aurait des impacts sur les précipitations. Et que, a priori, ça diminuerait les précipitations à l'échelle du globe. Donc, un impact sur le cycle de l'eau. Et donc, potentiellement, des impacts sur les rendements, agricoles, etc. Et un deuxième point qui concerne, en fait, le CO2. En fait, cette technique qui masque le réchauffement ne s'attaque pas au CO2 dans l'atmosphère. Et en particulier, le CO2 dans l'atmosphère a un impact sur les océans et acidifie les océans. Donc, cette technique de gestion du rayonnement solaire ne permettrait pas d'éviter l'acidification des océans. Roland Séphirian. Oui, c'était pour abonder dans le sens de Thomas Gasser, dans le fait que les techniques liées au management du rayonnement solaire sont peut-être vues aujourd'hui d'une manière justement trop disjointe des techniques de capture de carbone, dans la mesure où en fait on vit dans un système climatique, un système Terre, où tout interagit. Donc chacune des composantes, que ce soit la partie énergétique avec la pénétration du rayonnement solaire dans l'atmosphère, mais aussi le cycle du carbone via la photosynthèse, les précipitations et autres, tout est lié. Donc ce qu'on voit, donc ce qu'a expliqué David par les expériences de modélisation, et ce qu'on est en train de voir par justement ce moyen, c'est qu'on a des effets secondaires en appliquant des techniques de management du rayonnement solaire. C'est que on peut arriver à renforcer le puits de carbone océanique. La contrepartie, c'est que plus l'océan absorbe de dioxyde de carbone, plus il s'acidifie. Et on a un autre effet de ce genre de technique, c'est qu'en ne résolvant pas le problème du CO2 qui lui réside dans l'atmosphère, on a un effet sur la physiologie des plantes qui, à fort taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ont tendance à moins restituer de l'eau à l'atmosphère et donc à avoir un impact supplémentaire sur le cycle hydrologique. Donc on a un double effet en ne résolvant pas le problème lié à la concentration forte teneur de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et c'est des choses nouvelles qu'on commence à comprendre. Voilà, parce que depuis l'enquête de Science et Vie, effectivement, les modèles climatiques ont probablement évolué et sont un peu plus précis aujourd'hui. David Salas-Imelias, ça veut dire que, de toute façon, on n'échappe pas au problème du CO2. Même si on arrivait à réduire un petit peu la pénétration du rayonnement solaire dans l'atmosphère, ça ne résoudrait pas le problème des océans. Et donc, il faudrait, en parallèle, de toute façon, aussi essayer de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, j'allais dire finalement que on parle de diverses techniques, mais c'est pas forcément une technique ou l'autre. Hein, il peut être aussi envisagé que plusieurs techniques soient utilisées de manière conjointe, notamment parce que finalement, aucune technique ne peut à elle seule résoudre le problème dont on parle. Bon, pour compléter, c'est un peu exotique, mais par rapport à ces techniques alternatives, donc plutôt de gestion du rayonnement, donc on a parlé de renvoyer plus de rayonnement solaire vers l'espace. Il y a une technique qui est aussi envisagée, qui a d'ailleurs été brevetée en son temps. L'idée est cette fois-ci de renvoyer plus d'énergie infrarouge vers l'espace. Sachant que c'est un peu le principe de l'effet de serre, c'est le principe même. La planète reçoit l'essentiel de son énergie sous forme de rayonnement solaire lumineux, elle renvoie de l'infrarouge. Donc l'idée, c'est essayer de renvoyer plus d'infrarouge vers l'espace. Et comme souvent, c'est souvent le cas pour beaucoup de techniques de géo-ingénierie, l'idée est d'essayer de s'inspirer en quelque sorte d'un phénomène naturel pour essayer de développer une technique. Et là, pour envoyer plus d'énergie infrarouge vers l'espace, l'idée est d'essayer d'utiliser les mouvements montants de la chaleur au sein de l'atmosphère, donc on appelle ça des mouvements de convection, le sol et l'air près du sol chauffent, ces masses d'air chaud montent, et in fine, l'énergie qu'elles contiennent est renvoyée vers l'espace en partie, sous forme d'énergie infrarouge. Alors, en même temps, c'est justement l'infrarouge qui est bloqué par l'effet de serre. Voilà, et donc pourquoi ne pas s'en débarrasser? Et donc il y a des idées de construire des tours très très hautes, alors qu'ils devraient faire au moins 700 mètres, voire 1 km au moins idéalement. Et donc on récupère ces mouvements ascendants, l'air chaud monte, et donc il est canalisé, renvoyé assez haut dans l'atmosphère, avec... c'est pas mon point de vue du tout de promouvoir ce genre de technique, cet air chaud montant, en fait, peut actionner des turbines et on peut avoir une production d'électricité par ce biais-là. Donc ce genre de choses est éventuellement considéré. Il y a des prototypes qui existent, mais bon, pour l'instant, ça coûte cher et il y a un certain nombre de problèmes technologiques à résoudre autour de ce genre de technique. En même temps, on fait des tours aujourd'hui qui atteignent à peu près cette hauteur et donc qui pourraient servir de support à ce genre de cheminée. Voilà, éventuellement. Mais... Alors la question aussi, parler d'une autre technologie qui a un rapport avec le sol, cette fois, Pierre Barré, c'est celle de la poudre de roche qu'on répandrait sur le sol et qui permettrait d'absorber du CO2. Alors oui, effectivement, donc on est passé plutôt dans les techniques de retrait de CO2 atmosphérique. Voilà. Donc il y aura cette possibilité finalement d'accélérer ce qui se passe naturellement, mais plutôt à des échelles de temps géologiques, donc de pulvériser des roches et de les mettre dans le sol, pour que leur carbonatation piège du dioxyde de carbone. Il y a quand même pas mal de problèmes associés. Déjà, la production de ces roches, où est-ce qu'on va les prendre? Quelle énergie sera nécessaire pour pulvériser des quantités colossales de roches? 40 milliards de tonnes de roches, donc cite Science et Vie. Pour 10 milliards de CO2 retirés. Et il faudra voir aussi quelle est la teneur en éléments potentiellement dangereux, type métaux lourds. On les mettrait où, ces roches? Cette poudre de roche, on la répandrait où? Alors, j'imagine qu'on les répandrait dans les sols pour que ce soit au contact de l'altération via les plantes et l'atmosphère. Alors, moi, j'ai vraiment pas envie de donner l'impression de promouvoir cette technique. Je pense que concernant les sols, il y a une technique qui est beaucoup plus intéressante à envisager. C'est le stockage de carbone organique dans les sols. Donc si on considère qu'il y a 2000, enfin les estimations disent qu'il y a 2400 gigatonnes de carbone dans les sols, il y a des échanges rapides entre l'atmosphère et les sols chaque année, et donc un stockage accru de carbone dans les sols pourrait contribuer à justement à réduire la quantité de carbone atmosphérique. Inversement, une mauvaise gestion des sols aurait l'effet inverse. Et les sols deviendraient une source de carbone et pourraient, au contraire, augmenter la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique. Thomas Gasser. Oui, alors, rapidement, pour revenir sur le fait de pulvériser de la poudre de roche, je voudrais qu'on se représente ce que c'est le besoin logistique qu'il y a derrière. Effectivement, il faudrait remettre en place l'ensemble d'une industrie d'extraction de roche, de pulvérisation et puis de dissémination. Ensuite, et donc le chiffre qui a été évoqué, c'est donc 40 milliards de tonnes de roches pour capturer 10 milliards de tonnes de CO2, mais c'est par an. Donc chaque année, il faudrait repulvériser a priori. Donc une formidable industrie ou une réanimation de l'industrie minière. On peut voir ça comme ça, mais on peut aussi se poser la question de comment, de quelle énergie sera nécessaire pour mettre en place cette industrie. Et donc on ne fait que déplacer le problème en quelque sorte. France Culture. Sciences publiques, Michel Albergonti. Nous débattons aujourd'hui la question géo-ingénierie, comment retirer du CO2 de l'atmosphère, avec nos invités. Pierre Barret, géochimiste, spécialiste des sols au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Thomas Gasser, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. David Salas, immédiat. Et Roland Séphirian, chercheur en climatologie à Météo France. Et enfin Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Alors on voit bien quand même que la question qui se pose, c'est que il va bien falloir, en parallèle avec les émissions que l'on cherche à réduire, agir sur la quantité de CO2 qui est déjà présente dans l'atmosphère. Alors là, on a parlé des solutions qui paraissent peut-être les moins probables ou les plus étranges, soit pour refroidir la Terre, donc ce qui n'est pas la même chose, soit pour capter le CO2, mais par des moyens qui paraissent improbables. Alors il y a, à l'inverse de ça, Hervé Poirier, là, question des forêts qui paraît, elle, beaucoup plus abordable et beaucoup plus peut-être envisageable. C'est le processus naturel qui, sur des temps géologiques, là encore, permet de stocker le CO2 qui, in fine, se retrouve dans l'atmosphère quand on le brûle sous forme de pétrole. Donc c'est revenir dans les gros cycles et voir dans laquelle mesure on peut les accélérer. Les calculs qui sont menés montrent que pour 10 milliards de tonnes de CO2 qui représente un quart de ce qu'on relâche par an, il faudrait 200 000 km² de forêt tropicale. Le problème, c'est qu'on met encore le doigt dans un système très chaotique dont il est difficile aujourd'hui de très précisément voir les impacts sur le cycle de l'eau, sur le climat local. Et c'est des travaux qui, justement, doivent être menés plutôt dans l'urgence pour être prêts, vu qu'il va falloir des années pour mettre en place ces solutions-là, si on veut les déployer à l'échelle suffisante pour que ça fasse un impact. Alors Pierre Barret, ça représente quoi, ça, 200 000 km² de forêt tropicale par rapport à nous en... Au niveau de la forêt tropicale, on a surtout les exemples de la déforestation en Amazonie, par exemple, qui est plutôt le phénomène inverse. Donc comment envisager des surfaces pareilles? Oui, alors c'est toujours le problème que finalement, en ce qui concerne le stockage dans la biomasse ou dans les sols, il y a souvent compétition entre un objectif climatique et un objectif alimentaire. Donc il faut faire très attention à ça. Là, il y a une initiative que, pour ma part, je trouve assez intéressante, c'est l'initiative 4 pour 1000, qui a été lancée dans le cadre de la COP21 et qui a été signée par une centaine de partenaires, des États, des ONG. Et donc l'idée de cette initiative, c'est d'augmenter les stocks de carbone dans les sols, mais il y a tout de suite quelque chose qui vient même avant cet objectif-là, c'est accroître la fertilité des sols grâce à la séquestration du carbone. Donc finalement, essayer d'envisager une solution gagnant-gagnant, puisque pour l'instant, toutes les choses dont on a discuté jusqu'à présent, on était plutôt dans le moindre mal. Donc là, l'idée, ce serait de réhabiliter des sols, notamment des sols dégradés, pour, d'une part, donc réhabiliter un sol, souvent, c'est ajouter du carbone dans ce sol. Et ça a des co-bénéfices importants, ça va augmenter la réserve en eau, ça va augmenter la cohésion de ce sol, donc réduire son risque d'érosion. Et un sol dégradé qui est réhabilité, c'est également un sol qui va pouvoir servir de support à la production primaire et donc auto-entretenir, donc rentrer dans un cercle vertueux. Donc là, on sort un petit peu de cette opposition climatique. Agriculture et climat. Donc je pense que c'est intéressant. Alors bien sûr, ça pose certains problèmes. Il peut y avoir des risques associés, mais... si on arrive à les gérer, ce serait une initiative extrêmement positive. Roland Séphirian. Oui. Dans cette idée qui est vraiment très intéressante et très positive, justement, de rentrer dans un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, il faut quand même avoir en tête que le risque climatique, c'est d'une part un climat qui change, il y a aussi des aléas, et tout ça compose le risque. Et donc, stocker le carbone dans le bois, dans les sols, là où il se passe de nombreux aléas climatiques, et donc on a pu le voir lors des dernières décennies avec des feux de forêt qui sont gigantesques et qui brûlent plusieurs hectares, milliers d'hectares de forêt, c'est quand même faire un pari assez important, en fait, sur notre capacité à séquestrer ce carbone sur de longues durées de temps, parce que l'effort que certains pays pourraient faire en reforestant une partie de ou en réhabilitant certains sols qui n'étaient pas viables, qui disposaient de capacités de stockage relativement faibles, c'est que ça reste quand même des sols qui vont être soumis à des aléas climatiques, donc extrêmes, les sécheresses, etc., et qui peuvent avoir des impacts notoires sur nos prévisions à long terme et sur les objectifs de réduire les émissions et tendre vers une neutralité des émissions et une stabilisation de la concentration de carbone. Car c'est ça le seul objectif pour stabiliser la hausse des températures. David Salassimé. Là. Il y a un aspect sur lequel je pense qu'on peut insister. C'est-à-dire, on pense souvent que finalement, planter des forêts va permettre de résoudre certains problèmes vis-à-vis du dioxyde de carbone. Alors ça, je dirais, c'est vrai tant que la forêt est en croissance. Mais lorsque l'arbre, finalement, arrive à son stade adulte, il se met à fixer de moins en moins de carbone. C'est-à-dire, il stocke toujours une quantité de carbone importante, mais ce qui nous intéresse, ce sont les flux. C'est-à-dire qu'on souhaite que tous les ans, l'arbre absorbe du dioxyde de carbone. Donc ça, il faut bien être conscient de ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, le couper, en planter? Voilà, c'est une idée, finalement, c'est de couper la forêt, d'appliquer une pyrolyse, c'est-à-dire une combustion par la chaleur plutôt que par l'oxygène, qui arrive quand même à stocker à peu près 50% du carbone qui était initialement stocké dans l'arbre. Une fois que ça c'est fait, on peut enfouir ça et ça reste quand même en principe relativement stable au niveau du sol. C'est-à-dire que là, on crée une espèce de fosse dans laquelle on pourrait stocker ces résidus ultimes un peu du bois. On appelle ça en fait le biochar. Donc c'est une sorte de charbon finalement. Pierre Barret. Oui, donc là, j'aimerais réagir à deux choses qui viennent d'être dites. Déjà sur le biochar, moi, c'est une technique qui est effectivement en plein essor. Je suis quand même un peu réservé sur cette technique parce que le sol, pour garder sa qualité agronomique, va avoir besoin d'apports de matières organiques qui vont pouvoir être dégradées par les micro-organismes du sol. Donc le biochar peut peut-être contribuer à une séquestration de carbone dans les sols, mais il faut faire attention avec cette pyrolyse à ne pas affamer le sol et à le rendre plus pauvre. Vous voulez dire par là qu'il serait remis dans le sol exploité et non pas dans des cavités, dans des endroits où il ne serait plus en interaction avec le sol lui-même? Ah, alors le biochar, l'idée est de l'épandre dans les sols. Voilà, et de compter sur certains co-bénéfices agronomiques de cette stratégie, mais qui, à mon avis, mérite encore des études avant de pouvoir être adoptée. Vous voulez dire que c'est pas un engrais absolument sans risque? Alors sans risque, je pense, mais il faut pas que tous les apports au sol soient sous forme de matière organique difficile à décomposer par les micro-organismes. Donc il faut vraiment pondérer les deux. En ce qui concerne le problème de la sécheresse ou de perte de stock de carbone consécutif à un aléa climatique, donc c'est vrai, c'est une vraie question, mais quand même, l'augmentation du taux de matière organique dans les sols, c'est aussi quelque chose qui va rendre le sol plus résistant à cet aléa climatique. Donc le sol ne pourra pas tout, mais là encore, on travaille à la fois sur l'adaptation, mais aussi sur l'atténuation du changement climatique. Et enfin, sur l'augmentation des teneurs en carbone dans les sols, il y a tout ce qui est reforestation, mais il y a également tout ce qui est modification des pratiques. Et donc avec des travaux pour arriver à des pratiques culturales plus vertueuses en termes de carbone. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas forcément le risque de feu gigantesque qui viendrait remettre dans l'atmosphère tout le carbone stocké. Voilà, donc en cas d'incendie, effectivement, tout ce qu'on a prélevé retourne dans l'atmosphère et donc c'est raté. Oui, mais si on est sur des cultures annuelles, finalement le stock de biomasse aérienne va être assez faible, il va être reformé l'année d'après et le sol, lui, il n'y aura pas de sortie de CO2 massive du sol du fait de ce feu. Thomas Gasser. Mais alors sur toutes ces techniques de capture, je pense qu'il faut bien comprendre en fait l'enjeu des échelles de temps. Enfin, les échelles de temps mises en jeu, c'est la question fondamentale. En fait, il n'y a aucune forme de capture qui est complètement permanente. Elles ont toutes on va appeler ça un taux de fuite. Et tout l'enjeu vis-à-vis de la question du réchauffement climatique d'origine anthropique, d'origine humaine, tout l'enjeu est de trouver des formes de capture, de stockage, qui aient un taux de fuite assez faible. C'est-à-dire de l'ordre de, on va dire, plusieurs siècles, ou de quelques ou plusieurs millénaires. Mais derrière cette idée de capture et de stocker pour certaines durées, il faut comprendre qu'on a des incertitudes par rapport à ces taux de fuite. Donc la question des biochars, je pense qu'on a peut-être une bonne idée en laboratoire de quelle est la capacité de capture et de stockage et du temps qu'il faut au carbone pour être émis. Après, une fois que c'est mis dans la nature et face à des conditions climatiques, on va dire naturelles, là, la question de la capacité de stockage, à quel terme, à quelle échéance temporelle, je crois qu'on est beaucoup moins sûr de ce chiffre-là. Alors, il y a également, Hervé Poirier, la solution des biocarburants. Et vous citez ce chiffre de 550 millions d'hectares consacré au biocarburant, ce qui peut paraître également un gros chiffre, toujours avec cette optique, cet objectif hein, de 10 milliards de tonnes de CO2 retirées de l'atmosphère. Et avec la conséquence, le pendant, c'est que ce qui est de la surface de sol dévolue à la production de biocarburant n'est pas utilisé pour l'agriculture en particulier. Donc il y a des calculs très complexes à mener pour voir la viabilité de cette. Là, on retombe sur ce conflit. Et on voit bien que plutôt que plutôt que pousser enfin le discours sur le climat et le CO2 est exclusivement centré sur la frugalité, l'économie, la restriction, on voit que ici plus que n'importe où ailleurs, on a besoin de créativité, d'intelligence, de subtilité, de recherche fondamentale, de science afin de pouvoir trouver les équilibres qui vont être très subtils à trouver. Et aucune des pistes aujourd'hui n'a un degré de maturité tel pour que les hommes politiques puissent s'en emparer et emporter avec eux l'assentiment de leur peuple. Donc on a le constat un peu sévère et le retard pris par la recherche fondamentale par rapport à l'exigence des réponses qui ça explique aussi pourquoi la COP21 est assez discrète sur ces sujets-là. Puisque ça fait 20 ans que peut-être ces travaux-là ont manqué de l'énergie, de l'investissement et de l'élan qu'ils auraient dû avoir. Et sans doute on a encore quelques années pour éclaircir, mais l'urgence est plutôt sur ces questions fondamentales que vos invités débattent aujourd'hui. Pierre Barret ou Roland Séphère. Allez-y. Alors, Pierre Barret. Sur les agrocarburants, il y a quand même un gros risque qu'ils soient implantés sur des zones qui étaient avant en forêt, par exemple. Et dans ces cas-là, le bilan même en termes de CO2 est assez aléatoire. Et surtout, on parle de carbone, mais quand on doit faire des cultures agronomiques, un autre élément important, c'est l'azote. Et donc, pour produire des agrocarburants, sans doute qu'il faudra avoir une fertilisation azotée importante. L'azote, ça peut générer des émissions de N2O, protoxyde d'azote, qui est également un gaz à effet de serre puissant. Donc là, si on fait le bilan global sur les biocarburants, il peut vite devenir négatif, sans parler des problèmes que ça peut poser sur la pression sur les terres. Voilà, sachant que tout ça est dans le contexte d'une augmentation de la population importante qui a justement un impact sur les émissions de gaz à effet de serre aussi, également sur l'agriculture et sur la nécessité de consacrer de grandes surfaces à la culture. Alors, quand on vous écoute tous autour de cette table, on se rend compte que finalement, comme le disait très bien Hervé Poirier, il n'y a pas vraiment une solution qui apparaît comme étant la panacée, c'est-à-dire celle qui offre que des avantages et pas d'inconvénients. Et donc, il semblerait que ça soit difficile de décider, de prendre des décisions politiques aujourd'hui dans cette situation. Est-ce que s'il y en avait une à prendre ou une direction privilégiée à choisir, quelle serait-elle? Qu'est-ce qu'il vous paraît aujourd'hui le plus mûr ou du moins le plus prometteur? Roland Séphirian, par exemple. Alors, déjà, pour répondre à cette question, il y a quand même un préalable. C'est vraiment le problème de l'efficacité de ce genre de technique et la réelle démonstration de leur efficacité. Donc si on reprend un petit peu dans l'histoire de l'ingénierie climatique ou de la géo-ingénierie, une des premières grandes hypothèses qui a été abordée, c'est quelque chose qu'avait proposé un biogéochimiste qui travaille sur le cycle du fer dans les océans, qui est un élément essentiel pour la croissance du phytoplancton qui, lui, absorbe du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est John Martin dans les années 1987, qui en disant, dans une grande phrase qui est souvent reprise, « Donnez-moi un navire et je vous ferai un petit âge glaciaire ». Donc il se trouve que les biogéochimistes marins se sont engouffrés dans cette hypothèse pour essayer de démontrer si elle était vraie. Et il se trouve que la fertilisation, donc l'apport de fer comme élément de croissance du phytoplancton. C'est un phénomène aussi naturel qui se passe sur le bord de certains talus continentaux. Et en fait, on s'est aperçu que le bénéfice de ce genre de technique de géo-ingénierie était vraiment très faible, voire nul. Alors, à travers de la modélisation et d'autres campagnes d'observation, on s'est aperçu qu'il était possible de renforcer encore plus la croissance du phytoplancton. Parce que une fois qu'on retire ou qu'on apporte suffisamment de fer, le phytoplancton se retrouve limité en silice. Et là, on a un problème de taille, c'est qu'on utilise la silice pour faire des énergies renouvelables comme des panneaux photovoltaïques. Donc on arrive à un problème où on retire du CO2 de notre côté et de notre côté, on a un problème de ressources pour faire des énergies renouvelables qui, elles, sont faiblement émettrices de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est un premier point pour répondre à votre question. Et là, vous répondez par une solution qui est pas bonne, justement, alors que c'est une solution la question, c'était plutôt sur les meilleurs. Justement, les meilleurs, on n'a pas aujourd'hui ni de cadre juridique pour étudier réellement les impacts des techniques de mitigation du rayonnement solaire qui semblent beaucoup plus rapides en termes d'efficacité pour résoudre le problème de la hausse de la température globale ou en tout cas le maintien d'une température au niveau du seuil de 2 degrés. Et pour les techniques de séquestration de carbone, aujourd'hui on a un réel problème de déploiement de ce genre de technique à l'échelle globale dans la mesure où c'est des expériences qui ont été menées dans des laboratoires ou c'est sur des sites très idéalisés pour lesquels on a très peu de recul. Donc c'est là où en fait il faut vraiment... pour nous en tout cas modélisateurs, que ça soit à Météo France ou à l'Institut Pierre-Simon Laplace, travailler de consort pour essayer d'aborder l'éventail de ce genre de technique, donc que ça soit la partie mitigation du rayonnement solaire ou séquestration de carbone. Et aujourd'hui, à l'échelle internationale, seulement le travail sur la mitigation du rayonnement solaire est fait, donc il nous reste du temps. Thomas Gasser. Oui, alors là ce sont les critères discutés par Roland sont plus traite plutôt de l'aspect théorique, scientifique et en fait en termes de modélisation. Donc ça répondrait un peu à la question, si on avait les réponses, donc si on avait fait assez d'études, hein, donc moi je partage, en tant que scientifique, je partage le constat fait par Science et Vie, hein. Enfin, on manque, dans la communauté, on manque de travail là-dessus, en fait, on manque de financement pour pouvoir travailler là-dessus. Mais donc ça, la réponse apportée par Roland, ça serait... C'est une réponse à la question de savoir quelle est la meilleure technique en termes technologiques. Mais il y a un autre enjeu, en fait, c'est de savoir quelle serait la technique, la technologie qu'on pourrait le plus facilement déployer dans un cadre de négociation, dans un cadre d'une conférence climatique, c'est-à-dire d'un point de vue politique. Et l'enjeu du déploiement politique, de la gouvernance, est en fait derrière l'enjeu de la vérification de l'efficacité des technologies est à mon sens plus important que l'efficacité de la technologie en elle-même. Je m'explique, c'est-à-dire que je pense que la meilleure technologie, ça serait seulement une technologie dont on peut vérifier et s'assurer des effets de capture. Et par exemple, cet exemple justement de la fertilisation des océans par le fer, je pense qu'on a, enfin le système océanique est très très chaotique, on a un vrai problème de surveillance. On peut mettre du fer à un endroit, peut-être que ça augmente la capture de CO2 à cet endroit, mais il n'y a rien qui nous dit que ce CO2 n'a pas été réémis quelques années plus tard et quelques centaines ou milliers de kilomètres plus loin. Et donc c'est une technique qu'on a énormément de mal à surveiller et donc, à mon sens, qu'on ne peut pas mettre en place, surtout dans le cadre d'un accord international. Pierre Barré, pour vous, la meilleure technique serait quoi ? Je vous l'ai déjà donné, hein, c'est d'augmenter la teneur en carbone dans les sols, mais ce sera pas à mon sens, ce sera pas à l'échelle du problème. Donc voilà, mais c'est une solution gagnant-gagnant. Pour l'instant, c'est la seule que je vois. Je voulais parler aussi du stockage géologique là dans les réservoirs profonds, donc là de l'injection de CO2 dans les réservoirs profonds. Donc là, du CO2 qu'on prendrait comment dans l'atmosphère ou alors actuellement sur les rejets des centrales à charbon par exemple. Voilà, on piégerait ce CO2 en sortie de cheminée. Donc après, il serait transporté et enfoui. Donc là, ça pose des questions après, effectivement, du taux de fuite de ces réservoirs, son éventuelle dangerosité, donc de l'acceptation. Donc ce seraient des réservoirs géologiques existants, qu'on récupérerait, qu'on identifierait et qu'on exploiterait de cette façon. Voilà, et donc on injecterait en profondeur, donc à plus de 800 mètres de profondeur, ce CO2. Donc bon, il y a la question de l'acceptation après qui est pas claire. Mais l'autre problème, c'est le coût. C'est-à-dire qu'actuellement, avec au prix actuel de la tonne de CO2, ces techniques sont pas du tout rentables. Et donc, c'est-à-dire, quand vous dites le prix de la tonne de CO2, c'est-à-dire ce que coûte à un émetteur de CO2 le fait d'émettre une tonne de CO2. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, la tonne, je ne sais pas combien elle est, si elle est à 2 ou à 5 dollars, mais c'est en tout cas des valeurs beaucoup trop faibles pour que des techniques type enfouissement soient rentables. Donc là, j'ai répondu par une autre question parce que je ne me suis pas prononcé sur la faisabilité et exactement le potentiel de cette technique. Bon, elle est estimée pour 2050 à permettre une réduction des émissions de l'ordre de 13%. Je ne peux pas discuter de ce chiffre, mais voilà. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Géo-ingénierie, comment retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui avec nos invités. Pierre Barret, bio-géochimiste, spécialiste des sols au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Thomas Gasser, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. David Salas-Imelia et Roland Séphirian, chercheur en climatologie à Météo France. Et Hervé Poirier, rédacteur en chef de Science et Vie, pour notre partenaire pour cette émission. Donc là, on voit que c'est quand même assez difficile que la science ait un discours très clair pour les politiques, puisque là on est exactement dans cette situation à la COP21, qui s'appuie sur le rapport du GIEC, donc sur une expertise scientifique, et qui doit prendre des décisions politiques. Alors là, ce que vous êtes en train de nous expliquer autour de la table, c'est que, en gros, il faut faire des recherches pour améliorer les solutions telles qu'on les envisage, pour pouvoir un jour aboutir à des solutions politiques. David Salas-Imelia, mais ça ne nous fait pas gagner beaucoup de temps, ça, cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Non, enfin, oui, c'est sûr, il est évident qu'il faut faire de la recherche, mais un autre danger qu'on peut voir, c'est que si on fait trop de recherches et si on acquiert finalement trop de certitudes par rapport à certaines techniques, ça risque aussi de décourager toute action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, il est clair qu'il faudra vraiment poursuivre très très fort cet effort de réduction. Il est possible en effet qu'on doive avoir recours à un moment donné à des techniques de géo-ingénierie, mais je dirais qu'une chose qu'on ne peut pas faire, très certainement, c'est de laisser exploser les émissions de gaz à effet de serre sans aucun contrôle, en se disant que finalement les scientifiques ont une solution technologique. Ça, à mon avis, ce serait la pire des choses. C'est un peu l'état d'esprit des débuts de la géo-ingénierie, où on pensait que justement on ferait l'économie des réductions et qu'on pourrait continuer à vivre comme on vit aujourd'hui grâce à une solution technologique qui viendrait soigner le mal dû à la technologie, justement. Voilà, c'est typiquement une action curative où finalement l'homme, dans sa toute puissance, estime que s'il a réchauffé le climat, il est capable finalement de revenir en arrière. Bon, d'ailleurs, à titre un peu anecdotique, l'inverse d'une technique de géo-ingénierie au sens où on l'entend aujourd'hui avait été envisagé à la fin des années 60, notamment parce que la banquise en Arctique était à ce moment-là très épaisse, elle gênait le transport maritime et il avait été envisagé de la couvrir de suie pour que finalement elle disparaisse. Et, bon, pour faciliter le transport, on voit bien qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans cette optique-là. Alors oui, aujourd'hui, là, vous mentionniez avant le début de cette émission la solution du blanchiment, qui est exactement le contraire, donc essayer de trouver comment augmenter la surface réfléchissante par la couleur, simplement, donc une simple couche de peinture suffit. C'est le gros problème d'ailleurs de la banquise qui, en fondant, découvre de la terre qui, elle, n'est plus blanche et qui absorbe plus l'énergie solaire. Est-ce que cette solution de blanchir les toits, de blanchir d'une certaine façon ou d'une autre la surface de la terre, vous paraît être quelque chose qui peut avoir un semblant d'efficacité ou un début d'efficacité, Thomas Gasser? Le peu d'études qui ont été réalisées à ce sujet mettent surtout en avant la faible efficacité sur le climat global et l'énorme coût financier derrière. Par contre, en fait, c'est une technique qui est intéressante parce que on peut la qualifier de technique de géo-ingénierie, mais elle se rapproche plus de techniques dites d'adaptation, c'est-à-dire d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, et en particulier dans des milieux urbains très denses, où on sait que l'impact des vagues de chaleur, des canicules, peut être très très fort. Et donc l'idée de repeindre l'ensemble des toits parisiens en blanc, par exemple, pourrait réduire de manière significative à l'échelle de la ville l'impact des vagues de chaleur en réduisant la quantité d'énergie reçue par le soleil pendant ces événements. En même temps, le changement climatique favorise ça, puisque s'il fait beaucoup plus chaud à Paris, le fait de blanchir les toits et tout ça, et donc de ressembler plus à une ville du sud ou de la Grèce, finira par avoir un sens, sauf que peut-être ça dénaturera un petit peu le paysage auquel les touristes sont habitués quand ils viennent admirer les toits en zinc de la capitale. David Salas-Imelia. Pour Paris, hein, c'est pour compléter un petit peu par rapport à ce qui a été dit, d'autres techniques ont été vraiment sérieusement envisagées, comme notamment végétaliser, c'est-à-dire mettre plus d'arbres, et aussi arroser les chaussées notamment. Mais là, en réalité, on peut plus vraiment parler des géo-ingénieries. Bon, c'est plus de l'adaptation dont parlait Thomas Gasset, voilà, en fait. Car la géo-ingénierie, en fait, doit avoir une visée globale. Mais par contre, effectivement, blanchir les toits, si c'est une action qui est coordonnée dans diverses capitales, hein, il y a eu récemment, en marge de la COP21, un sommet rassemblant beaucoup de maires de grandes villes du monde, si ce type de mesure est concerté, on peut en effet appeler ça de la géo-ingénierie. Mais la question c'est, vu que la surface des villes n'est quand même pas infinie, quelle est l'efficacité globale d'un tel blanchiment? Est-ce qu'on en a aujourd'hui une petite idée? Qui peut répondre à ça, David Salas-Imelia? Moi, j'avais vu quelques calculs. Thomas Gasser, pardon. Qui montraient que c'était assez négligeable, hein, c'était complètement marginal. Voilà. À cause de la surface limitée des villes. Voilà, sauf à couvrir la campagne également de surface blanche, ce qui d'ailleurs existe un peu avec l'agriculture sous serre. Il y a une forme de blanchiment de la terre d'une certaine façon, mais de là à ce que ça réfléchisse, donc on voit bien, après avoir fait un petit peu l'exploration générale de toutes ces solutions, Hervé Poirier, qu'il n'y en a pas une qui apparaît comme étant celle sur laquelle, par exemple, il serait nécessaire d'augmenter la recherche aujourd'hui, parce que c'est bien ça dont on parle, trouver là où les solutions sur lesquelles on pourrait stimuler la recherche et donc aboutir à des solutions avant les échéances qui sont devant nous, c'est-à-dire 2100, mais bien avant, si on veut agir. C'est bien ce constat-là que l'on a fait aussi dans l'article, et le sûrement que ce sera plusieurs solutions à la fois qui seront envisagées, mais en l'état actuel, il est assez frappant de voir, rien que dans la teneur du débat d'aujourd'hui, à quel point les solutions de la deuxième partie du XXIe siècle sont pas encore écrites, sont pas encore envisagées, sont pas encore calculées, et qu'en effet, le temps nous est compté. Pierre Barret. Oui, vous disiez tout à l'heure que les scientifiques n'avaient pas un message clair. Je crois que le problème, c'est que le message, il est clair, c'est que... On n'a pas de solution au problème actuellement. C'est le problème, c'est que c'est pas le message que certainement les politiques voudraient entendre. Et donc l'urgence, elle est à la réduction des émissions. Le moindre message serait au moins déjà d'identifier des pistes de recherche qui sont prometteuses. Parce qu'il y a quand même une certaine schizophrénie au sein du champ scientifique entre des climatologues qui projettent un climat qui pourrait être en dessous des 2 degrés dans le GIEC sur la grande majorité de leurs scénarios, et leurs collègues au fond du labo qui disent « Oui, mais vos solutions, on les a pas du tout en main ». Donc il y a une grande confiance de la part de climatologues au sein du GIEC sur des solutions que l'inventivité humaine va trouver, et une grande impuissance actuelle des ingénieurs pour dire « Vos espoirs ne sont encore loin d'être totalement assouvis. On peut pas vous garantir qu'on va les assouvir ». Donc il y a quand même une certaine schizophrénie avec un discours que les politiques reprennent parce que les scientifiques leur disent « Les 2 degrés, c'est possible ». Sauf qu'ils mettent dans cette solution des moyens que d'autres scientifiques sont incapables de mettre sur la table. Donc il y a c'est en ce sens-là que les scientifiques sont pas clairs, c'est qu'ils permettent aux politiques de faire un discours puissant. Les 2 degrés sont un objectif commun et atteignable, et en même temps ils leur disent derrière ouais, mais on a aucune solution. Donc il y a quand même cette position assez incroyable aujourd'hui sur une schizophrénie du discours scientifique sur lequel les politiques sont bien en mal au niveau politique, parce qu'en fait entre eux, les climatologues parient très rarement sur 2 degrés Celsius, c'est-à-dire que eux-mêmes n'y croient, semble-t-il, plus beaucoup. Mais c'est vrai que l'objectif de la COP21 reste celui-là, et donc il s'appuie sur des données scientifiques, effectivement. Mais, et cette schizophrénie, sans doute plutôt, on peut le voir comme un optimisme, c'est-à-dire des solutions de demain ne sont pas encore pensées aujourd'hui. Mais... Thomas Gasser. Oui, alors, moi, si j'ai un message clair, hein, c'est que la géo-ingénierie et la capture en particulier, pour la quasi-totalité des scientifiques, c'est toujours été considéré comme un plan B. Le premier, voire un plan C ou D. Le plan A, c'est de réduire les émissions. Quoi qu'il en soit, ça, c'est quelque chose d'inévitable. En même temps, si on fait le constat que la réduction n'a aucune chance de permettre seule d'aboutir au résultat, Bah, c'est un petit peu le constat qui est la réduction qui est envisagée actuellement dans l'état des négociations actuelles, donc en amont, au milieu de la COP. De toute façon, le processus de la COP, il est pas, c'est pas une date butoir qui fixe l'avenir de l'ensemble de la planète pour les 70 ou 100 années qui viennent. L'idée derrière la COP, c'est aussi de continuer à se retrouver régulièrement et de réviser les ambitions, évidemment les réviser à la hausse si on veut avoir un objectif des 2 degrés. Donc je dirais pas que l'objectif est complètement inatteignable, il est effectivement extrêmement dur à atteindre. Capturer du CO2 de l'atmosphère, ça peut être envisagé, mais à mon avis, et pour la plupart des scientifiques, de manière marginale, en fait, pas complètement significative au sein de l'ensemble des solutions envisagées. Pierre Barré. Il y a une solution technique de récupérer le CO2 dans les fumées d'usines, ou même de faire brûler de la biomasse et de récupérer le CO2 ainsi brûlé. Comme ça, c'est vraiment de la... du captage de CO2 atmosphérique et de l'enfouir dans des réservoirs géologiques. Donc c'est une technologie qui est assez mûre. Bon, pour l'instant, elle est chère. C'est plutôt capter du nouveau CO2 plutôt que, c'est-à-dire celui qui va être émis, éviter qu'il soit émis. Oui, pas exactement faire baisser le taux de CO2 existant. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est oui, et en plus, on baisse le rendement des centrales, donc on en brûle encore plus. Donc ça, c'est le premier problème. Il y a une technique où l'idée serait de faire brûler de la biomasse. Donc à ce moment-là, c'est du CO2 qui vient d'être capté par l'atmosphère. Donc là, on serait vraiment sur du captage de CO2 atmosphérique. Le problème, c'est qu'après, il y aura des questions de prix, des questions d'acceptabilité, parce qu'on n'a pas de recul là-dessus, éventuellement de dangerosité du procédé. Donc ça, c'est une solution qui ne sera pas à l'échelle du problème, qui pourrait y contribuer, mais qui pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que c'est pas, une fois qu'on a la solution technique, c'est pas pour ça qu'on aura abouti. Il y aura le prix et l'acceptabilité. Roland Séphirien. Oui. Si vous deviez voter pour une voie plutôt qu'une autre, parce que là on voit qu'il y a une diversité et qu'on n'arrive pas trop à savoir quelle est la meilleure. Il y a une diversité, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut prévaloir en tant que scientifique aussi, c'est le principe de précaution. C'est que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce genre de technique. Et pour réellement abonder dans le sens de Thomas, c'est il y a des choses qu'on sait faire. Et pour lesquels il y a des ordres de grandeur qui seront importants, c'est que sur les 100% d'émissions anthropiques, enfin les émissions de dioxyde de carbone que l'homme émet dans l'atmosphère, il y a environ 25% qui est absorbé par les surfaces continentales, donc via la végétation, et il y a 25% qui est absorbé par l'océan. Donc ça veut dire que des acteurs de premier plan sont là depuis le début de l'ère industrielle, prélèvent une partie du dioxyde de carbone que l'on émet, sans rien nous demander. Et donc, dans ce principe de précaution, je pense que la première éventualité pour limiter la hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est quand même déjà réduire avoir une vision plutôt, comment dire, moins dans la démesure, moins dans la consommation. Donc c'est des choses, c'est des pivots sur lesquels on peut agir. Mais l'autre point, c'est la protection de l'environnement. Donc lutter contre la déforestation, c'est des choses essentielles dans la mesure où c'est des acteurs de premier plan au niveau du système climatique qui luttent déjà pour l'absorption du dioxyde de carbone et sur lesquels on n'aurait pas à mettre en jeu des techniques de géo-ingénierie. David Salas, Emilia, un dernier mot, parce qu'on Moi, je dirais pour l'essentiel, finalement, pour moi, la logique finalement commanderait d'essayer de remettre le carbone d'où on l'a tiré. On l'a tiré du sol. Ça semble être la technique naturelle. Bon, pour autant, il ne faut pas imaginer qu'on retrouvera le monde qu'on a connu, le monde climatique, il y a 50 ans. En appliquant ce genre de technique, finalement, il y aura des éléments du système climatique qui auront changé. Peut-être qu'il y aura plus de dioxyde de carbone dans les océans. Si c'est ce qu'on choisit de faire, par exemple, de mettre du dioxyde de carbone dans les océans, on sait très bien aussi que si on regarde, pour y revenir, la banquise, lorsqu'on a appliqué une technique de géo-ingénierie, elle n'aura pas non plus les mêmes caractéristiques que ce qu'on a connu il y a une cinquantaine d'années. On est dans un processus irréversible. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de moins sortir de carbone du sol que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire utiliser moins de ressources fossiles et, s'il le faut, effectivement, essayer d'en remettre artificiellement une partie par ces techniques-là de captation et de stockage. Très bien, mais on suivra évidemment les recherches dans ce domaine pour voir comment évoluent ces techniques, hein, dans quelle mesure elles peuvent être complémentaires des réductions d'émissions qui sont en débat à la COP21 en ce moment. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui, lui, s'achève. Merci à Pierre Barret, Thomas Gasser, David Salas-Imelia, Roland Séphirian et Hervé Poirier d'y avoir participé. Pour approfondir notre sujet d'aujourd'hui, vous pouvez lire l'enquête de Vincent Nouiriga, publiée dans le numéro de décembre 2015 du magazine Science et Vie. Une enquête intitulée « Lutte contre le réchauffement, réduire les émissions ne suffira pas ». Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des références d'ouvrages sur la géo-ingénierie et vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Bien entendu, vous pouvez également nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 11 décembre, vous retrouverez le Club Sciences Publiques autour d'un ouvrage qui vient de recevoir le prix Le Goût des Sciences 2015. Il est intitulé « Mon cerveau, ce héros » et nous recevrons son auteur, Elena Pasquinelli, ainsi que plusieurs membres du Club Sciences Publiques. Ce sera l'occasion d'explorer les idées fausses qui circulent au sujet de cet organe particulier qu'est notre cerveau, mais aussi de faire le point sur ce que nous en savons et sur ce qui nous reste à découvrir. Sciences Publiques, Dany Journaud, Élise Leu, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture.